الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في سيرة الأنبياء والرسل المأخوذة من كتاب الله عز وجل سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وبعد فما زلنا في ذكر فضائل إبراهيم عليه السلام وقد قال الله عز وجل ثناء له إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فقال الله عن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله قانتا لله فكان أمة بمعنى قدوة وإماما كقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما وقيل وكان وحده أمة من الأمم لاستجماعه كمالات لا توجد في غيره قانتا لله قلنا أي خاشعا مطيعا له قائما بما أمره حنيفا قلنا بمعنى أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه أي كان قائما بشكر نعم الله عز وجل اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الجميل كما قال عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنه في الآخرة لمن الصالحين أي الذين لهم الدرجات العالية في الجنة ثم أوحينا إليك بيان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته Donc on va continuer inshallah sur sans plus attendre sur l'évocation des mérites du prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc dans la dernière assise, on avait mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la prophétie et le livre dans la descendance de Ibrahim alayhi salam. Et donc après Ibrahim, parmi sa descendance, il y aura des prophètes, Allah va envoyer et mettre le livre et la prophétie chez certains parmi la descendance de Ibrahim alayhi salam. Et donc on a dit qu'on allait parler de la vie de Ibrahim alayhi salam concernant ses mérites, ses vertus, concernant son appel, son message et concernant justement certains versets relatant certains événements et certains faits s'étant produits à l'époque de Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes comme il est mentionné et comme il est appelé. Et donc on avait commencé l'évocation des vertus et des mérites de Ibrahim en relatant le verset 120 jusqu'à 123 de la sourate An-Nahl où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction rapprochée du sens de ces versets Ibrahim était un guide, un modèle de dévouement et un pur monothéiste qui ne comptait pas parmi les polythéistes. Et Allah nous dit ensuite, il rendait grâce à Allah pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guider vers une voie droite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite une traduction relative du sens des versets, et nous l'avons comblé de faveur en ce monde, et il sera dans l'autre au nombre des vertueux. Au nombre des vertueux. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, il t'a certes été révélé à toi de suivre la voie, la religion d'Ibrahim, Hanifan, qui était Hanif, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, il ne faisait pas partie des polythéistes. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce verset, ensuite il t'a été révélé à toi de suivre la voie d'Ibrahim, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla wa Ala lui dit, ensuite nous t'avons révélé à toi de suivre la voie d'Ibrahim Hanif, qui ne faisait pas partie des polythéistes. Et donc, on va voir que ça, dans ce verset, il y a la mention d'un immense mérite concernant Ibrahim alayhi salam, le fait qu'Allah Jalla wa Ala, ensuite, ait révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, de suivre la voie d'Ibrahim qui était Hanif et qui ne comptait pas parmi les polythéistes. Et ça fait partie des mérites de Ibrahim, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes et messagers, ait eu l'ordre, il lui fut révélé de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salat wa salam, alayhi salat wa salam. Donc Allah Jalla wa Ala, au sujet d'Ibrahim, comme on l'avait explicité dans la dernière assise, Allah Jalla wa Ala nous dit « Inna Ibrahim kana umma » On avait expliqué le terme « umma », un guide, un exemple aussi « qanitan lillah », un exemple de dévotion, et Allah nous dit qu'il était « hanif ». Qu'est-ce que le sens, que veut dire « hanif » Et ça c'est très important, pourquoi? Puisque pour être un monothéiste, il faut être « hanif », et donc il faut suivre la voie, ce qu'on appelle « al-hanifiyya ». Al-Hanifiyya. Qu'est-ce que l'Hanifiyya? Al-Hanifiyya, c'est Millatu Ibrahim. C'est la voie, la religion du prophète Ibrahim alayhi salam. Pour cela, il était très important et pertinent d'évoquer la vie d'Ibrahim et aussi d'évoquer quel était l'appel et le message d'Ibrahim et quelle était cette religion sur laquelle il était. Et c'est ce qu'on appelle cette voie-là sur laquelle il était. On appelle ça Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya. Et donc, c'est pour cela qu'il est nommé Al-Hanif. Al-Hanif. Et c'est pour cela que les croyants qui veulent vouer un culte pur, une religion pure à leur Seigneur, ils doivent être hunafa. Hunafa, donc c'est le pluriel de hanif. Comme l'était Ibrahim, il était hanif, alors les croyants doivent suivre cette voie qui est al-hanifiyya. Donc ils doivent être hunafa. Et ça c'est un ordre, un commandement très important. Regardez dans un verset ce qui prouve cela. Dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ حُنَفَا حُنَفَا. Et il leur a été ordonné et commandé de n'adorer Allah qu'en étant sincère, en lui vouant une religion pure, un culte pur. Hunafa. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous dit, en étant hunafa. Donc cette description qu'il y a dans le Coran, dans ce verset, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous ordonne l'ikhlas, la sincérité. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Et il ne leur a été que commandé, ordonné, de ne l'adorer qu'en étant sincère, qu'en lui vouant un culte exclusif, une religion pure et en étant hunafa. Donc hunafa, vous avez vu dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous dit donc qu'il a ordonné, qu'il leur a été ordonné que d'accomplir une religion pure, c'est-à-dire d'être sincère dans le culte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est le fait d'être hunafa, hanif. Et donc Ibrahim, lui, vouait un culte pur exclusif, une religion pure à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration n'était pas entachée par une quelconque forme de polythéisme et d'associationnisme. C'est pour cela que Ibrahim était hanif. Et donc le monothéisme pur, c'est al-hanifiyya. C'est vouer un culte pur au créateur unique, à Allah subhanahu wa ta'ala, une religion pure exclusive, et s'écarter de toute forme d'adoration à autre que lui, ou vouée à autre que lui, s'écarter de l'adoration des fausses divinités. إذن حنيفا أي مالئا عن كل دين باطل إلى دين الحق. C'est pour ça qu'on avait dit le sens de hanifan, donc c'est le singulier de hunafa, c'est le fait de s'écarter du faux, de s'éloigner du faux vers la vérité et d'aller vers la vérité en s'écartant, en s'éloignant du faux. Donc pencher vers la vérité et s'écarter du faux. Et donc Ibrahim, lui, a été décrit comme cela, comme étant Hanif. Allah nous le décrit et nous informe que Ibrahim était Hanif. Donc la voix de Ibrahim, alayhi salam, quel était le message d'Ibrahim? C'est-à-dire Hanifiyya. Et donc pour comprendre qu'est-ce que le monothéisme, quelle est la religion du monothéisme, il faut comprendre le sens de la Hanifiyya, de Al-Hanifiyya. C'est pour cela que vous allez retrouver dans certains livres où certains auteurs ont consacré leur œuvre à l'évocation et à l'enseignement du tawhid, du monothéisme, alors vous allez voir qu'il parle et il traite de ce sujet qui est Al-Hanifiyya. Et donc il détaille le sens de Al-Hanifiyya et il explique qu'est-ce que Al-Hanifiyya. Et Al-Hanifiyya, c'est la voie et la religion d'Ibrahim. Cette voie dont Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallam de suivre. Ensuite, Allah Jalla wa'ala nous dit aussi au sujet d'Ibrahim, c'était un exemple de dévotion, et il nous le décrit comme étant un serviteur reconnaissant. Shakiran li an'umi. Donc, il était reconnaissant des bienfaits d'Allah, et il remercie Allah Jalla wa'ala pour ses bienfaits. Et donc ça fait partie des caractéristiques des serviteurs pieux, des prophètes et des envoyés. Il faisait partie de ceux qui étaient reconnaissants et qui remerciaient Allah pour les bienfaits qu'Allah leur octroyait. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit qu'il a donné à Ibrahim wa ataynahu fi dunya hasana, et il a octroyé Ibrahim dans cette vie d'ici-bas le bien, c'est-à-dire min al-dhikri al-jamil, min al-dhikri al-jamil wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim, et nous perpétuâmes son évocation pour les générations futures. Paix à Ibrahim, et c'est ainsi que nous récompensons les gens de bien, de traduction relative du sens de ces versets. Donc Allah Jalla wa'ala dit qu'il a perpétué, nous perpétuâmes l'évocation, la mention, la citation de Ibrahim dans les générations prochaines. Et donc ça fait partie des mérites d'Ibrahim, comme c'est mentionné dans ces versets. Donc, parmi les vertus donc de Ibrahim et les mérites, le fait qu'Allah Jalla wa'ala, premièrement, lui a fait l'éloge dans le Coran. Et ça fait partie des grands mérites. Et aussi, deuxièmement, parmi les mérites d'Ibrahim, comme on avait mentionné précédemment, Allah Jalla wa Ala a révélé au prophète Mohammed de suivre la voie d'Ibrahim. Et troisièmement, parmi les bienfaits, les mérites d'Ibrahim, le fait qu'il fait partie de Ulil Azm min al-Rusul. Donc vous savez qu'il y a de nombreux messagers. Allah a envoyé de nombreux messagers. On a traité dans cette question dans l'assise précédente. Mais parmi ces messagers, Allah a choisi, a élu cinq qui font partie des meilleurs messagers et qui sont nommés comme étant Ulul Azm. Ulul Azm min al-Rusul. Donc Ulul Azm, ce sont cinq messagers. Parmi tous ces messagers, comme on l'avait mentionné dans l'assise précédente, il y a eu de nombreux prophètes et messagers envoyés. Et donc parmi ces messagers, il y en a cinq dont Allah Jalla wa'ala a choisi comme étant doués de résolution, comme on traduit d'une manière rapprochée, Ulul Azm. Et parmi ces cinq, donc, il y a Ibrahim alayhi salam, ce qui prouve ici le mérite et la grandeur de ce prophète Ibrahim alayhi salam. Il fait partie des cinq meilleurs messagers, en l'occurrence Nuh wa Moussa, Nuh wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa, wa Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et donc, thumma huwa ashraf ulil azm ba'da Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et on rajoute à cela qu'il fait partie des plus nobles messagers parmi ces cinq, min ulul azm, Min ulil azm, il fait partie des plus nobles parmi ces cinq après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et de ce fait, on se rend compte ici du mérite du prophète Ibrahim alayhi salam. Faqala ibn Kathir rahimahullah ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي وجده صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة مسندا ظهر بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم آخر ما عليهم. Et Ibn Kathir nous relate aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le voyage de l'ascension, dont vous connaissez ce voyage nocturne et le voyage de l'ascension du prophète, lorsqu'il arrivait au septième ciel, il est rapporté qu'il trouva, donc Ibn Kathir nous relate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam trouva le prophète Ibrahim adossé bil bayt al ma'mur, sur la maison peuplée. La maison peuplée, c'est-à-dire où tournent, comme il nous est rapporté, où tournent les anges. Et chaque jour, il y a 70 000 anges qui tournent autour de cette maison qu'on appelle la maison peuplée, dans une traduction rapprochée. Hein. Et 70 000 anges, chaque jour, tournent autour de cette maison par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et soumission à lui. Kulli yom sab'un alfan min al-malaika. Donc 70 000 anges tournent. Ensuite, ils s'en vont et ils ne reviendront jamais. Et c'est 70 000 autres anges qui viendront tourner autour de Beit al-Ma'mur, comme nous relate Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Et ça nous montre le mérite de Ibrahim, alayhi salam. Et parmi fadailihi, alayhi salatu wassalam, annahu khalil ar-Rahman, wa qad sharakahu fi dhalika nabiyuna sallallahu alayhi wassalam. Et parmi les mérites, comme on avait mentionné déjà, le fait que Ibrahim est considéré comme Khalil Rahman, l'ami intime, comme on peut traduire de manière relative en français, du miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète participe avec lui en cela. Le prophète aussi a atteint ce statut et son rang. Et ce qui prouve cela, c'est le verset 125 dans Surat An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne clairement, il dit « وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا » Et Allah a pris Ibrahim comme Khalil, وَالْخُلَّ هِيَ غَايَةُ الْمَحَبَّةِ. Et en arabe, quel est le sens de Al-Khulla? Vous avez vu Khalil? Khalil, ça vient du terme Al-Khulla. وَهِيَ غَايَةُ الْمَحَبَّةِ. C'est vraiment un amour élevé et grand. Donc Al-Khulla, c'est dans ce sens comme il nous a rapporté des savants dans l'explication de Al-Khulla. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لو كنت متخذان خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخوة الإسلام. Et c'est pour ça, dans un hadith, il nous est rapporté que le prophète sallam a dit أيها الناس, ô vous les gens, si je devais prendre un khalil, un ami intime, لو كنت متخذان خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخوة الإسلام. Si je devais prendre un Khalil autre que mon Seigneur, j'aurais pris comme ami intime Abu Bakr, mais أخوة الإسلام. Mais il y a la fraternité de l'islam. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام. Et parmi les mérites aussi que les savants nous mentionnent concernant Ibrahim عليه السلام, que la paix et le salut soient sur lui. أن الله عز وجل جعل في ذرية النبوة والكتاب. Le fait qu'Allah جل وعلا a mis dans sa descendance le livre et la prophétie. Comme on a mentionné cela, on a explicité cela dans l'assise précédente. Et ce qui prouve cela, c'est que dans un verset, Allah جل وعلا nous dit وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. Et nous avons mis dans sa descendance la prophétie et le livre. Et ça prouve que Allah سبحانه wa ta'ala a élevé Ibrahim alayhi salam avec ce mérite qui est immense. Le fait que ensuite la prophétie et le livre se trouveront chez la descendance, au sein de la descendance de Ibrahim alayhi salam. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Et dans ce verset, donc, je viens de citer, Allah Jalla wa'ala nous dit, wa wahabana lahu Ishaq wa Ya'qub. Et nous lui avons fait don, lui avons donné, traduction approchée, Ishaq wa Ya'qub. Kullan hadayna, nous les avons tous guidés. Donc, Ishaq wa Ya'qub faisait partie de la descendance des enfants de Ibrahim alayhi salam. Allah nous dit, kullan hadayna, nous les avons tous guidés. Wa Nuhan hadayna min qabl. Et Nuh, nous l'avons guidé avant. Donc Allah Jalla wa'ala ici évoque aussi le prophète Nuh qui est venu avant et Allah Jalla wa'ala dit qu'il faisait partie aussi des guidés. Wa min dhurriyyatihi Daoud wa Sulayman wa Ayyub. Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin. Et faisait partie de sa descendance, c'est-à-dire d'Ibrahim, Allah nous dit Daoud, le prophète Daoud wa Sulayman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Et comme cela, nous récompensons les bienfaisants. Wa Zakariya, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum min as-salihin. Wa Ismail, wa Yasa, wa Yunus, wa Luta, wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Et ensuite, Allah Jalla wa'ala mentionne le prophète Zakariya, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, et dit tous faisaient partie des vertueux. Ensuite, il cite wa Ismaïl, wa Liyasa, wa Yunus, wa Luta, wa Kullan, faddalna 'ala al-'alamin. Et tous, nous les avons préférés par rapport aux gens de l'univers. Une traduction relative dans Sourate Al-An'am. Et donc, si vous observez bien, dans ce verset, il y a la mention de 18 prophètes. Il y a la mention de 18. 18 envoyé. Et on a dit que dans l'assise précédente, que Ibn Kathir et d'autres savants, d'autres spécialistes, ont dit que dans le Coran, si on observe, il y a la mention de 25 prophètes. Et l'évocation donc de 25 prophètes et messagers. Et dans ce verset seulement, il y en a 18 mentionnés et cités. Et c'est dans la sourate Al-An'am, dans la sourate Al-An'am, versets 84 jusqu'à 86. Et donc ce mérite-là, d'avoir une descendance de prophètes et de messagers. Comme on l'a dit, Allah Jalla wa'ala nous dit que Daoud, wa Sulayman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun faisaient partie de la descendance d'Ibrahim. Wa min dhurriyatihi Daoud, wa Sulayman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa Zakariya, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Comme ils sont mentionnés ici dans le Coran. Et donc, parmi sa descendance, comme Allah l'a dit, Daoud, wa Sulayman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Moussa, wa Harun, ces prophètes mentionnés, Allah dit qu'ils étaient tous parmi les bienfaisants. Et donc, ce mérite-là d'avoir une descendance, dans cette descendance d'avoir des prophètes et des messagers, donc Allah a mis la prophétie dans la descendance d'Ibrahim, aussi c'était un bien et un mérite qu'a connu Nuh, et donc c'est un point commun qu'il y a entre Nuh et Ibrahim, comme on l'avait stipulé cela dans l'assise précédente. Et donc, dans le mérite suivant qu'on va mentionner, que nous mentionnent les savants parmi les mérites et les vertus d'Ibrahim, أنه أول من يكسى يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون. Donc, النبي صلى الله عليه وسلم nous dit, comme il est rapporté dans ses vertus, que le jour de la résurrection, donc les gens seront ressuscités nus, pieds nus, un circoncis, comme ce sera le cas, donc, la situation des êtres lors de la résurrection. Et dans ce mérite qu'on va évoquer ici, lui, Ibrahim alayhi salam, sera le premier à être vêtu le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit qu'on sera ressuscité nu pieds nu incirconcis, et Allah nous dit dans un verset, comme nous dit dans le prophète Ansem lorsqu'il a récité le verset Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna in kunna fa'ilin. Et donc, dans ce verset, un jour, le prophète a récité ce verset. Lorsque dans le récit, il dit, et vous serez tous ressuscités, nus, pieds nus, incirconcis. Ensuite, il récita le prophète Sam ce verset, comme abada'na awwala khalqin nu'idu, wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Comme on vous a créé la première fois, on vous fera revenir. C'est une promesse qui nous incombe. Inna kunna fa'ilin. Comme Allah Jalla wa'ala dit dans le verset. Lorsque le prophète a récité ensuite ce verset, il nous a rapporté dans ce récit qu'il dit ensuite wa awwalu man yuksa yawm al-qiyamah Ibrahim. Et le premier qui sera vêtu le jour de la résurrection sera Ibrahim alayhi salam. قال الحافظ يقال إن الحكمة من خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار وريانا وقيل لأنه أول من لبس السراويل ولا يلزم من خصوصية بذلك تفضيله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن المفضول قد يمتز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة. Et donc, Al-Hafid relate que peut-être, il relate la sagesse et la cause pour laquelle Ibrahim, le jour de la résurrection, sera le premier à être vêtu de vêtements. Et il dit peut-être, in al-hikma, la sagesse en cela, c'est la particularité qu'a Ibrahim, cette particularité qu'a Ibrahim en cela, et le fait qu'il fut jeté dans le feu, et cela sans vêtements. Il fut jeté nu dans le feu. Et on va relater cet épisode et cet événement qui s'est produit à l'époque lorsque les polythéistes ont voulu châtier Ibrahim et donc ils l'ont jeté dans le feu. Et il est rapporté qu'ils l'ont jeté sans vêtements. Et Al-Hafidh donc dit que peut-être la sagesse de cette particularité qu'a Ibrahim, le fait qu'il sera revêtu le premier, le jour de la résurrection, est cela comme il mentionne. Donc ça fait partie des mérites d'Ibrahim, le fait qu'il sera revêtu le premier, le jour de la résurrection, comme c'est mentionné. وَمِنْ فَضَائِلِهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَ بِالْعِلْمِ رَفَعَهُ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَقُوَّةُ الْحُجَّاجِ. Et parmi les mérites qui nous sont mentionnés d'Ibrahim, c'est qu'Allah Jalla wa Ala l'a élevé avec cette science et cette certitude et cette force d'argumentation. Allah Jalla wa Ala a octroyé Ibrahim une force d'argumentation. Et c'est pour cela qu'il avait vraiment une force d'argumentation face aux polythéistes. Et les polythéistes ne résistaient pas face à l'argument de Ibrahim alayhi salam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajatin man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Et d'ailleurs dans un verset dans sourate Al-An'am, Allah Jalla wa Ala nous dit wa tilka hujjatuna. Et cet argument, le nôtre et notre argument, atainaha Ibrahim, nous l'avons donné à Ibrahim ala qaumi, contre son peuple. Narfa'u darajatin man nasha. Et on élève en degré ce qu'on veut. Inna rabbaka hakimun alim. Et certes ton Seigneur est sage et connaisseur, omniscient, subhanahu wa ta'ala. Donc dans une traduction relative, approximative du verset, dans sourate Al-An'am, le verset 83. Et donc ça fait partie des mérites d'Ibrahim alayhi salam. ومن فضائله أن الله عز وجل أوجب علينا اتباع ملته ولزوم طريقه ولزوم طريقته. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم أي إلزموها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. Et donc parmi les mérites que les savants nous enseignent concernant Ibrahim alayhi salam, qu'on retrouve dans le Coran, l'obligation de suivre sa voie et sa religion. L'obligation de suivre la voie de Ibrahim et de s'y attacher, de s'y accrocher. Et comme le disait dans l'explication de cela, le grand savant, Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di, il disait لِيَعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا قَصَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَصَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ سِيرَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ qu'il faille savoir, dit Cheikh Saadi, que tout ce que nous a raconté Allah Jalla wa Ala au sujet, tout ce que nous a narré, enseigné Allah Jalla wa Ala au sujet de la vie de Ibrahim al-Khalil, cela indique que nous sommes dans l'obligation. Il nous est ordonné de le suivre d'une manière particulière. Donc il y a un ordre particulier de le suivre. Allah dit dans un verset Millata abikum Ibrahim. Millata abikum. Voici la voie de votre père Ibrahim. C'est-à-dire, suivez-la. Et dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala dit Thumma uhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Et ça, nous t'avons révélé à toi de suivre la voie d'Ibrahim qui était hanif. On avait évoqué ce verset dans le début de l'assise, lorsqu'Allah a ordonné au prophète, sallam, lui a dit, nous t'avons révélé de suivre la voie d'Ibrahim. Et dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. Et vous avez certes, il est certes pour vous, un guide, un modèle à suivre, vous avez certes en Ibrahim, une guidée et un modèle à suivre, un exemple à suivre. وَالَّذِينَ مَعُوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Et en ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple. Donc Allah Jalla wa Ala nous dit qu'on a certes un modèle et un exemple bon en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Et donc on va s'arrêter inshallah sur cela et on continuera dans une assise prochaine. Bihawlillah fa nasallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.